prière, as-salah. As-salah, ou prière, est une obligation incombant à chaque musulman, homme ou femme. L'islam considère la prière comme un pilier de la religion. Ce pilier est le plus important après la shahada, ou attestation de foi. La prière est la première chose sur laquelle Allah interrogera la personne le jour du jugement. La prière est le critère décisif entre un musulman et un non-musulman, entre un vrai croyant et un hypocrite. Quiconque ne l'accomplit pas est littéralement parlant un non-musulman. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'engagement entre nous et eux est la prière, quiconque la délaisse a mécru. » Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i. Il a aussi dit « Ce qu'il y a entre un homme et le polythéisme et la mécréance est l'abandon de la prière. » Hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. Du fait de son importance, ses nombreux mérites et le grand amour d'Allah pour cette œuvre, il l'a rendue obligatoire pour tout musulman pubère et saint d'esprit 5 fois par jour. Allah qu'il soit glorifié dit « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » Accomplissez la prière, car la prière est une prescription en des temps déterminés pour les croyants. Sourate les femmes, verset 103. En nous informant des habitants de l'enfer, Allah le Très-Haut dit « Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadhibu biyawmiddin, hatta atana al-yaqin, fama tanfa'uhum shafa'atul shafi'in. » Qu'est-ce qui vous a conduit en enfer? Ils diront « Nous n'étions pas parmi ceux qui accomplissaient la prière. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Nous tenions des propos futiles avec les gens et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution jusqu'à ce que nous soit venue la certitude, la mort. » Alors, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucun bénéfice. Sourate le revêtu d'un manteau, du verset 42 à 48. Une fois, en mentionnant la prière, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui la préserve, elle lui sera une lumière, une preuve évidente et un secours le jour de la résurrection. Mais celui qui ne la préserve pas, elle ne lui sera pas une lumière, ni une preuve évidente, ni un secours le jour de la résurrection. En ce jour, il sera associé à Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. » Hadith rapporté par Ahmed, At-Tabarani et Ibn Hibban. Ceci signifie qu'il sera en enfer avec les pires créatures d'Allah. Qarun était ingrat avec Allah malgré ses faveurs infinies à son égard. Pharaon était le roi tyrannique d'Égypte qui se prenait pour Dieu lui-même. Haman était son vil conseiller. Enfin, Ubay ibn Khalaf était l'ennemi de l'islam parmi Quraysh. La fréquence et la périodicité des prières obligatoires ne laissent jamais un musulman oublier, dans le flot de ses activités mondaines, pourquoi Allah l'a créé. Les prières obligatoires sont, premièrement, la prière du Fajr. Son temps commence à l'aube et va jusqu'au lever du soleil. Cependant, il est préférable de l'accomplir le plus tôt possible dans son temps autorisé. Deuxièmement, la prière du Dhuhr à midi. Son temps commence quand le soleil franchit le méridien céleste et va jusqu'à ce que l'ombre d'un objet ait la même longueur que l'objet lui-même. Troisièmement, la prière du Asr dans l'après-midi. Son temps commence lorsque l'ombre d'un objet a la même longueur que l'objet lui-même et va jusqu'au coucher du soleil. Quatrièmement, la prière du Maghreb, son temps commence avec le coucher du soleil et va jusqu'à la fin des lueurs rougeâtres du crépuscule. Cinquièmement, la prière du Isha, la nuit, son temps commence avec la disparition de ces lueurs rougeâtres et va jusqu'à la moitié de la nuit. Le mérite de la prière est incomparable et ses vertus sont sans limite. Ceux qui l'observent régulièrement et assidûment reconnaissent la grandeur d'Allah. Leur cœur ressent un sentiment unique de crainte et d'effroi d'Allah. Allah dit « Utlu ma ouhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. » Accomplis la prière. Vraiment, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est la chose la plus grande. Verset 45 de la sourate l'araignée. La prière enseigne aussi aux musulmans la ponctualité. Allah dit « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Accomplissez la prière, car la prière est une prescription en des temps déterminés pour les croyants. Verset 103 de la sourate Les Femmes. C'est aussi une source abondante de courage, de patience et un grand appui en temps de détresse et de difficulté. Le Coran dit et recherche assistance dans la patience et la prière. Verset 45 de la sourate La Vache.